10 avril 2018. Bienvenue à cette deuxième édition de Basecore. Bonjour et bienvenue à ce deuxième base call de la saison 2018 dans le baseball majeur. Je suis content de vous retrouver et aujourd'hui on a trois sujets pour vous. J'ai trois sujets pour vous. Tout d'abord, nous allons faire notre tour d'horizon de la Ligue nationale, ce que nous n'avons pas fait la dernière fois. Nous allons parler aussi de l'arbitrage. Il y a eu encore des bévues du côté de l'arbitrage lors de la première semaine, les 10 premiers jours de la saison. Alors on va en discuter. Et on va terminer avec un petit bloc où je vais vous parler un peu des statistiques avancées. Qu'est-ce que c'est exactement et comment est-ce qu'on s'en sert maintenant à outrance dans le baseball majeur, ce qui est bien dommage. Parlons tout d'abord de ce tour d'horizon dans la Ligue nationale de baseball. Plusieurs équipes sont, toutes les équipes sont maintenant à l'œuvre. Il y a 10 matchs de jouer jusqu'à maintenant et quelques équipes se démarquent déjà. On a tout d'abord les Mets de New York, les Pirates de Pittsburgh et les Diamondbacks de l'Arizona qui dominent chacune leur division respective. Du côté des Mets, on sait que la force de frappe est du côté des lanceurs. Les lanceurs sont exceptionnels et on espère encore cette année que sans trop de blessures, évidemment, qu'on a été affublé des blessures pendant les années précédentes. Sans trop de blessures, on pourra répéter l'exploit d'il y a quelques années et peut-être même se hisser très haut, sinon même à la Série mondiale. Cependant, ils devront affronter Washington, les Nationals, qui évidemment ont une équipe exceptionnelle, ne serait-ce qu'au bâton et au monticule. Il faudrait vraiment être capable d'aligner beaucoup de victoires, plusieurs séries de victoires, comme les Mets ont réussi à faire déjà en début de saison, pour espérer sa approcher de Washington, qui eux éventuellement auront un rythme de croisière difficile à arrêter. Dans le reste de la ligue, l'est de la Ligue nationale, il y a aussi les Braves d'Atlanta, les Phillies de Philadelphie et les Marlins de Miami. On souhaite vraiment la dernière place aux Marlins, ce qu'ils devraient faire sans trop de problèmes. Et il y aura une bataille à suivre entre Philadelphie et Atlanta. Évidemment, sur papier, on semble dire que Philadelphie à un club jeune et prêt à monter déjà au classement. Il faudra voir comment ils vont réussir à peut-être tenir la route. Du côté d'Atlanta, on frappe beaucoup, on a des frappeurs de contact, mais sur le monticule, ce sera beaucoup plus compliqué. Alors, on verra vraiment ce qu'ils pourront faire avec ça. Dans la centrale, le Pittsburgh, qui est très bien parti, ne pourra probablement pas garder le rythme jusqu'à la fin. Ils pourront peut-être faire une chaude lutte pour la quatrième ou même la troisième place, mais il reste que dans cette section-là, les Cubs de Chicago et puis les Brewers de Milwaukee représentent les deux grandes forces, ainsi que les Cards de Saint-Louis qui se sont améliorés. Il faudra voir au monticule si les recrues pourront tenir les Cards et leur permettre, disons, de peut-être frôler la tête de cette division-là, du moins, au moins espérer avoir une place comme meilleur deuxième. Ce n'est pas fait. Du côté de Milwaukee, on a beaucoup trop de joueurs à l'attaque. On a même dû retourner dans les mineurs un frappeur de 20 circuits, Keon Buxton, pour qui on prend beaucoup de temps, disons, à faire des plans d'avenir. Il faudrait peut-être l'échanger bientôt si on veut profiter, je dirais, de sa valeur marchande. On verra ce qu'ils vont faire de ce côté-là. Les Cubs, presque inchangés, un peu vieillissants, mais ont une force de frappe exceptionnelle, probablement une des meilleures équipes, sinon la meilleure équipe de la Ligue nationale, encore sur papier, par exemple. Du côté de la National West, du côté de la Ligue nationale, dans l'Ouest, Arizona reprend sa place privilégiée de l'an dernier. Ils ont vraiment un beau groupe de frappeurs. Ils ont des lanceurs de plus en plus solides. Les jeunes ont pris leur place. Robbie Ray, Patrick Corbin sont là pour donner des victoires. Et on a quand même réussi à stabiliser un peu ce qu'était l'enclos des releveurs qui avait eu de la difficulté dans les années précédentes. L'an passé, avec Archie Bradley, on avait réussi à colmater quelques brèches. Mais maintenant, ça semble être plus solide. Je crois que clairement qu'Arizona fera partie des équipes qu'on verra lors des séries éliminatoires. Les Dodgers ont mal commencé, ils sont un peu trop forts, ils ont beaucoup trop d'argent pour ne pas se hisser à la tête de cette division-là. Alors, je les vois revenir de l'arrière très bientôt. Et San Diego devra crouler, comme à l'habitude, dans les bas-fonds. Du côté de Colorado et de San Francisco, il reste que San Francisco a mis un peu d'argent sur la table pour attirer des joueurs vedettes vieillissants. On va voir ce que ça va donner, mais avec la blessure très importante à Madison Bumgarner, ce ne sera pas facile, disons, de revenir dans la course éventuellement. Et pour ce qui est des Rockies du Colorado, ce sera toujours l'attaque qui pourra peut-être faire la différence, mais je ne crois pas qu'ils seront capables de répéter l'exploit de l'an dernier, malgré le fait qu'ils ont de superbes joueurs, ne serait-ce que Charlie Blackmon, qui est à chaque année un candidat de qualité pour le rôle ou le titre, pardon, du joueur le plus utile. Donc, on verra comment ça va se passer dans la nationale. Je propose Washington, Chicago et puis les Dodgers comme évidemment champions de division. Et on devrait être capable d'aller chercher comme meilleur deuxième les Mets, Milwaukee et probablement évidemment l'Arizona. Pardon, j'avais oublié l'Arizona qui seront certainement meilleur deuxième. Alors, on vient dans quelques instants. Et on parle du fameux arbitrage dans la Ligue de baseball majeure. Il y a eu déjà des difficultés depuis les 10 premiers matchs, quelques aberrations. On en parle ensemble dans quelques instants. This town ain't small, it's a little of both, they say. Our ball club may be minor league, but at least it's triple A. We sit below the Marlboro Man, above the Rockville Wall. We do the wave all by ourselves. Hey, Ump, a blind man could have made that call. We like our beer flat as candy. We like our dogs with mustard and relish. We got a great pitcher, what's his name? Well, we can't even spell it. We don't worry about the pennant much. We just like to see the boys hit it deep. There's nothing like the view from the cheap seats. Call it a win, go off to toast the boys again. That local band is back in town. They got a kind of minor league sound. They're not that bad, they're not that good, but all in all it's understood. We wanna dance, they wanna play. We wouldn't have it any other way. We like our beer flat as can be. We like our dogs with mustard and relish. We got a great pitcher, what's his name? Well, we can't even spell it. We don't worry about the pennant much. We just like to see the boys hit it deep. There's nothing like the view from the cheap seats. Cheap seats. Called up, oh, what's his name? And one more building rises tall. And suddenly we're all grown up. And this old town's not quite so small. But I'll always miss the middle-sized town in the middle of the Middle West. With no-name pitchers, local bands, and mustard and relish, and all the rest. We like our beer flat as candy. We like our dogs with mustard and relish. We got a great pitcher, what's his name? Well, we can't even spell it. We don't worry about the pennant much. We just like to see the boys hit it deep. There's nothing like the view from the cheap seats. Cheap seats. Nous allons maintenant parler de nos dadas, c'est-à-dire l'arbitrage, ou plutôt le mauvais arbitrage dans la Ligue majeure de baseball. J'ai parlé plusieurs fois à Basecall et même écrit sur les réseaux sociaux mon indignation face à la qualité de l'arbitrage. Non seulement les prises et les balles, parce que ça, dans certains cas, c'est très très bien fait, mais surtout la façon dont les arbitres ont de régler les problématiques ou, je dirais, les conflits sur le terrain. On peut remarquer en tout cas une très vieille attitude. On ne s'est pas du tout ajusté à la nouvelle ère, autant du côté du baseball que des autres sports professionnels, qui tentent d'éviter le concept de confrontation. On voit que les arbitres sont beaucoup sur la vieille méthode, c'est-à-dire de confronter systématiquement les gens après qu'ils aient peut-être fait des erreurs. On n'est pas dans le questionnement ou la remise en question de ce qui vient de se passer, mais plutôt dans la confrontation dès qu'il y a une problématique qui est amenée. On a vu déjà au début de la saison, en tout cas, des problèmes venant, ne serait-ce qu'un match des Phillies de Philadelphie contre les Braves d'Atlanta, où Gabe Kapler est venu au monticule dans l'idée de changer son lanceur. Et puis, eh bien, tout à coup, l'autre lanceur est arrivé et il n'avait pas été préparé au monticule d'exercice dans le fond du champ. Et puis, bon, ben, ce lanceur-là aurait dû normalement lancer tout de suite, mais non, l'arbitre lui a accordé des lancers de réchauffement, soi-disant que le lanceur aurait pu se blesser. Évidemment, humainement, on pourrait dire que c'est une très bonne idée, mais il reste que le règlement stipule clairement que si le lanceur n'est pas prêt, il doit s'amener et lancer tout de suite. Il n'a pas le droit à aucun lancer de préparation. On a vu aussi, pas plus tard que la semaine dernière, le joueur de troisième but de Washington, Anthony Rendon, être expulsé lui aussi pour une raison plus ou moins claire par l'arbitre, le magnifique Joe West, le maître de l'erreur, qui lui a décidé qu'il avait argumenter sur les balles et les prises, ce qu'on n'a pas le droit de faire dans le baseball. Eh bien, lorsque le gérant Terry Lovullo est sorti, il a aussi eu le droit à une expulsion. Alors, on voit comment, dans le baseball, tout ça peut rapidement prendre des proportions absurdes. Et lorsqu'il y a une erreur d'un arbitre, eh bien, habituellement, il y a un ou deux, et même le coach, qui se font sortir très, très rapidement. Pour moi, eh bien, il y a là une problématique assez importante, c'est-à-dire que les ligues majeures de baseball ont choisi fondamentalement, ou presque en tout cas, de ne pas remettre en question le travail des arbitres. On voit des arbitres comme, évidemment, Joe West, qui est le maître de l'erreur, à mon avis, qui est le chef des arbitres dans le baseball majeur, avoir une carrière plus ou moins illustre, au grand contraire, peut-être même le pire arbitre de l'histoire du baseball, poursuit sa carrière depuis maintenant 40 ans, c'est sa 40e année d'office cette année, en 2018. Et Joe West, qui a un nombre d'erreurs assez impressionnant à son actif. Si on prend seulement l'année dernière, en 2017, selon les statistiques avancées, il aurait fait 626 mauvais calls, entre guillemets, en tout cas mauvais appels, et c'est beaucoup, 626. On est dans une marge d'erreur assez forte qui représente à peu près 87% d'exactitude. Et ça, bien, dans un match de baseball, vous le savez comme moi, imaginez 87% d'exactitude au hockey. Évidemment, au hockey, il y a des problèmes avec la vision périphérique. On ne peut pas voir ce qui se passe dans notre dos. Mais au baseball, là où tout le jeu est devant nous, où il y a un seul objet à suivre et que personne ne bouge ou presque, on réussit à avoir des pourcentages d'efficacité qui sont en bas des 90%. Et Joe West en est un des maîtres, avec bien sûr ses compagnons de route, Jeff Nelson. On nommera aussi Angel Hernandez, on nommera aussi C.B. Buckner, Ron Culpa, qui sont des arbitres qui, depuis très longtemps, ont vraiment de graves problèmes à faire leur travail. Est-ce que c'est une question d'âge? Peut-être. Peut-être que la vitesse du jeu ne peut plus être supportée par des gens en haut de la cinquantaine. Je ne veux pas faire ici d'âgisme, mais peut-être que c'est possible. Et il y a aussi, je crois, beaucoup, beaucoup d'arrogance de la part des arbitres du baseball majeur. Et c'est la première problématique. À mon avis, régler ces problèmes d'attitude réglerait beaucoup des aberrations que l'on peut voir et rendrait le baseball beaucoup plus crédible aux yeux des amateurs. Parce qu'à mon avis, Le problème ici réside dans l'état-major du baseball qui décide systématiquement de laisser les arbitres en faire à leur tête et évidemment de faire des campagnes de promotion comme la campagne absurde de l'an passé où les arbitres portaient un bracelet disant nous devons être respectés alors que évidemment la grande majorité d'eux ne respectent pas nécessairement le jeu et ne respectent pas nécessairement non plus les joueurs qui y jouent. En tout cas, l'arbitrage reste un gros problème. C'est un des problèmes numéro un, selon moi, dans le débat en 2018. Bien sûr, les gens de marketing et ceux qui vendent le baseball à la télé voudront passer leur temps à trouver des solutions pour accélérer le jeu, accélérer la durée des matchs. Mais il faudra un jour s'ouvrir les yeux et voir les problématiques d'arbitrage. Et ça, sans compter aussi un certain favoritisme envers des équipes qui est bien connue. Entre autres les Yankees de New York, les Red Sox de Boston et les grands Cards de Saint-Louis. Ça, ce sera dans une autre chronique. Alors, je vous reviens dans quelques instants. On va parler des fameuses statistiques avancées et de leur impact sur le coaching aujourd'hui dans le baseball majeur. One coming. Ground ball. That is a foul ball. Oh, goodness! The Marlins dugout erupts and here comes Edwin. Espada can't believe it. Bob Davidson's about to get an earful. The Marlins dugout had the best look at it. They're looking right down the line. You bet they did. And Edwin can't believe it. Well, I think you're going to find a different story when you see these looks. It's fair. It goes over the bag. Oh, my goodness! That's a fair ball. Oh, that's a terrible call. Bob Davidson, you missed the call. Oh, my gosh! How do you miss that call? Parlons maintenant d'un sujet qui prend de plus en plus de place dans les discussions sur le baseball, c'est-à-dire les statistiques avancées. Les statistiques avancées sont là depuis plusieurs années, peut-être même une trentaine d'années, et ont vu le jour grâce à des chercheurs, à des théoriciens et des amateurs de la science sportive qui ont mis en place des formules pour aider à expliquer, si on veut, certaines performances et évidemment à les optimiser. Au baseball, cela fonctionne assez bien puisqu'on a déjà une bonne base de statistiques à mettre dans la moulinette. Et il y a aussi évidemment plusieurs chercheurs qui ont réussi à mettre en place de nouvelles façons de comprendre, si on veut, le baseball. Et ils ont ajouté à cela quelques statistiques. Parlons justement, entre autres, des statistiques défensives qui sont assez récentes. Et évidemment, plusieurs autres appellations qui permettent maintenant de comparer des joueurs en rapport avec la qualité de leur jeu pour leur équipe, ce qui va permettre à l'équipe de gagner des matchs à chaque année. Alors, un joueur sera évalué sur la zone de win above replacement, c'est-à-dire combien ce joueur-là fait gagner de matchs à l'équipe en rapport aux joueurs moyens que tout le monde pourrait aller chercher dans ses filières ou dans ses filiales, finalement. Alors, globalement, il y a plusieurs catégories à ça. Et puis, on a vu que les gérants et les équipes, de plus en plus, se sont ajustés. Depuis, spécifiquement, les Pirates de 2013, eh bien, on a vu plusieurs gérants, comme Clint Hurdle, devoir, je dirais, baisser pavillon devant les geeks qui arrivent, évidemment, avec leur... portables et qui vont évidemment et vont maintenant montrer aux gérants comment gérer son club. On a eu justement une sortie cette semaine d'un des joueurs des Phillies de Philadelphie qui s'en est pris à son nouveau gérant, Gabe Kapler, probablement un des moins bons gérants du baseball majeur, un parachuté comme on peut l'appeler. Eh bien, il a dit tout simplement que probablement que ce sont les ordinateurs qui font l'alignement de départ des matchs et il n'a clairement pas tort. Il est évident que les joueurs, entre autres des Phillies de Philadelphie, mais de plusieurs autres clubs, voient leur alignement dicté par des algorithmes et il n'y a plus grand-chose d'humain à l'intérieur, je dirais, de ce rapport à la stratégie du baseball. Parmi ses gérants, on va pouvoir parler de Dave Roberts, entre autres, qui est arrivé plutôt pour soutenir les statistiques avancées. On parlait tout à l'heure de Gabe Kapler. Évidemment, le plus aberrant de tous, Aaron Boone, qui est parti du studio de télévision pour aller directement coacher, manager dans les ligues majeures de baseball. Depuis quelque temps, je le dis régulièrement, eh bien, il n'y a plus personne, disons, sur le banc qui coach véritablement les équipes. Tout est vu à partir d'algorithmes et de probabilités, ce qui fait que le côté humain, je dirais, et les choix véritables que les statistiques ne peuvent nécessairement éclairer, eh bien, ne sont pas prises par les hommes de baseball sur le terrain. Ça nous donne des matchs parfois un peu inintéressants et quelques aberrations qui, dans certains cas, finissent par tuer un peu l'intérêt pour ce magnifique sport. On a vu dans les séries mondiales des gens comme Joe Maddon, évidemment comme Terry Francona aussi avec Cleveland, cesser de coacher ou de gérer comme lors de la saison et s'en remettre aux algorithmes et aux statistiques et à jouer systématiquement le bullpenning, comme Brian Kenny l'appelle, c'est-à-dire l'utilisation de lanceurs de relève à outrance. Des lanceurs qui sont des partants pendant la saison se voient transformés en lanceurs de relève et on les utilise un peu à toutes les sauces, laissant de côté les gens en qui on avait confiance lors de la saison. Il est un peu dommage de voir tout ça arriver, non pas qu'il faille éliminer toute cette science du sport-là dans le baseball. Ça doit rester. On n'a qu'à remarquer des sites web qui sont arrivés dernièrement, comme l'excellent FanGraph, qui nous offre des articles très intéressants à partir justement de ces analyses poussées. On a le Baseball Gauge aussi, qui peut nous donner à peu près ce qu'on veut comme statistique en rapport avec une particularité donnée ou à un match donné. On a eu aussi des baseball savants qui, à partir d'une nouvelle technologie qui s'appelle le StatCast, peut nous ramener à un moment extrêmement précis d'un match quelconque dans le passé, très rapproché ou même un peu lointain, et nous donner précisément la vitesse du lancer, la vitesse de l'élan du frappeur, la vitesse de course des gens et puis leur angle d'approche sur les buts autant que dans le champ extérieur. Alors, on a une panoplie de statistiques qu'on met à profit pour tenter de nous expliquer, entre autres, quelque chose qui jusqu'à maintenant ne se voyait que, je dirais, à l'œil nu, par expérience sur le terrain, la qualité des joueurs en défensive. C'est pourquoi on voit maintenant, au-delà de la statistique du WAR, Win Above Replacement, apparaître, on voit des statistiques comme le URZ, l'Ultimate Zone Rating, qui lui nous démontre, en tout cas nous essaie de nous démontrer, qu'un joueur a une certaine capacité de couverture et que par cette couverture-là, eh bien, il finit par avoir beaucoup plus de chances de réaliser des attrapés que certains autres. On a des joueurs comme Buxton avec les Twins. On a aussi Kevin Kiermaier avec Tampa Bay qui sont un peu, ou Enchanté avec les Braves d'Atlanta, qui sont un peu les porte-étendards de cette nouvelle réflexion sur la capacité de la couverture de zone de certains joueurs et on leur accorde à chaque fois qu'ils vont faire un attrapé, je dirais une qualité d'attrapé allant de 1 étoile jusqu'à 5 étoiles. Alors si vous voyez passer par StatCast des 4 star catch ou des 5 star catch, eh bien vous saurez que ce sont des attrapés qui ont peu de chances de se produire et que peu de joueurs de champ extérieur pourraient réussir à faire. On sait très bien que tout ça n'est pas exact, mais ça nous donne quand même une petite idée pour bâtir notre club dans le futur. Dans le passé, on a pu voir le fameux Moneyball de Billy Bean accaparer, je dirais, une certaine partie des discussions lorsqu'il a réussi à amener les A's d'Oakland, une équipe assez moyenne ou plutôt un peu inintéressante, aux séries d'après-saison, avec supposément une réforme ou une réorganisation de son équipe à partir de nouvelles statistiques et entre autres celles du pourcentage de présence sur les buts, le on-base percentage. Tout ça est un peu flou parce qu'à l'époque, on a laissé de côté le fait que du côté des A's d'Oakland, on a développé de superbes lanceurs dans les filiales et que ces lanceurs-là se sont avérés pendant quelques années les meilleurs du baseball majeur. Aujourd'hui, on voit ce que ça donne avec les A's d'Oakland, avec les Pirates de Pittsburgh. On a un peu gaspillé le potentiel de ces équipes-là pour les amener à une sorte de moneyball ultime où il n'y a presque plus de joueurs de qualité, ou disons, si on a des joueurs de qualité, ils sont très jeunes. Et lorsqu'on, tranquillement, on finit par avoir des vedettes, eh bien, on les échange et on passe à autre chose. On relance, disons, on fait un reset. Comme on dit chez nous avec le Canadien de Montréal, on fait un reset de la formation et puis on va chercher de nouveaux joueurs qui répondent à des statistiques avancées très très précises. Alors voilà, je parlerai tout au cours de la saison de certaines découvertes, de certains papiers intéressants écrits à partir des statistiques avancées, mais on ne va pas faire toute notre analyse ni chacun de nos discours en rapport avec ces fameuses statistiques avancées-là. Je vous invite quand même à aller jeter un coup d'œil, même que depuis l'an dernier, je crois, le site des Major League Baseball, MLB.com, vous propose un glossaire, ou en tout cas, disons, des définitions des statistiques avancées, des advanced stats les plus utilisées. Alors, vous pouvez aller fouiller là-dedans, c'est intéressant, et vous pouvez être capable d'avoir une définition assez claire, autant dans sa visée que dans sa mathématique, pour chacune des statistiques avancées que l'on utilise très régulièrement au baseball contemporain. Alors, c'est déjà la fin pour cette semaine. Je vous souhaite de revenir. Je vous souhaite un très bon 2 semaines. Je vous souhaite de revenir dans 2 semaines avec nous et continuer à écouter du baseball, apprécier ce beau sport-là et revenez discuter ici, si vous voulez, sur la page de Basecall. Vous pouvez m'écrire ce que vous voulez. Je vais essayer d'y répondre le plus vite possible ou écouter fièrement le podcast Basecall qui est disponible approximativement à toutes les 2 semaines. Alors, bye-bye et play ball!